Hello, hello, les amis, vous êtes bien sur Radio Web Passion. Only Rock, la passion du rock sur le web, sur Radio Web Passion. Fabien au micro, il est 17h29 minutes passées de 45 secondes. On va commencer l'émission dans 15, dans 12, 11, 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, l'émission commence aujourd'hui. Alors bienvenue dans la saison 4 d'Only Rock avec forcément quelques nouveautés. Et je commence par vous inviter à écouter le nouveau générique. C'est parti, Only Rock numéro 1 de l'édition 2020-2021. Let's go! Only Rock, la passion du rock sur le web, avec Fabien, en direct sur Radio Web Passion. Et voilà les amis, on se retrouve pour une heure et demie de son de rock sur Radio Web Passion. Vous êtes bien sûr dans Only Rock. La saison 4 démarre sur les chapeaux de roue parce que forcément il y aura des nouveautés, il y aura quelques exclus, quelques infos, quelques infos d'agenda parce qu'il y a, il y a quand même des concerts qui vont se faire dans les prochains jours dans la région. Et je voulais vous présenter un peu aussi la saison qui va venir parce que dès le mois de septembre, dès la rentrée, il y aura des invités. Il y a déjà un invité qui est programmé pour un mardi soir en septembre, mais je vous en dirai pas plus pour l'instant. Je garde la surprise pour les prochaines émissions. Voilà, donc je suis très content de retrouver le studio de Web Passion parce que voilà, forcément avec les mois de confinement, même s'il y avait eu une petite reprise avant l'été, ça fait toujours plaisir de retrouver sa console, son micro, voilà, sa table nickel. Donc on est bien ensemble pendant une heure et demie. Et on va commencer tout de suite avec un nouvel album d'Alison Mochart. Voilà, vous la connaissez pas parce que après peut-être que certains, j'espère, la connaissent, hein, parce qu'après avoir sorti deux singles solo intitulés Rise et It Ain't Water, Alison Mosshart, donc connue pour être la chanteuse entre autres de Kills et de Dead Weather, annonce la sortie de son premier album solo qu'elle a appelé Sound Will. La parution est prévue donc le 7 août. Il est sorti via le Third Man Records, le label de Monsieur Jack White, je ne le présente pas, c'est Monsieur X White Stripes. Le premier extrait qu'on va écouter, c'est Returning the Screw. Il est disponible, on va tout de suite l'entendre. Je vais vous donner l'exclusivité pour Only Rock. Le disque qui s'appelle donc Sound Will. Eh ben, on commence forcément par bafouiller parce qu'on change pas l'équipe qui gagne. Donc le disque Sound Will se veut complémentaire d'une autre œuvre intitulée Karma, qui est un livre qui regroupe des peintures, des photos, des nouvelles et des poèmes réalisés notamment par Alison Mosshart. Donc voilà, l'album Sound Will a été écrit en lien avec cette œuvre littéraire. Voilà, je vais m'en sortir. Donc on écoute tout de suite Alison Mosshart, Returning the Screw. C'est l'album Sound Will. Il est sorti le 7 août dernier. This ghost you call me, the me of my life you saw me spinning by. Wrangled by cowboys, baited like fish. Dripping like ice cream down somebody's wrist. This ghost you call me, the you know who. The nights you caught me spitting through without my decoys, wheels in a ditch, naked and angry. Dirty and pissed. This ghost you call me, doing what I do. The outlaw's Harley, the other shoe, sure haunts you badly. Wearing that perfume, you make it easy to fill the mold. You call me, knows your tone, amplifies it, feedback loop, right back at you so flowers gone. Every violet hell breaks loose, so I'll drive all night, I'll drive straight through anything to return the screw. Oh, eh bien voilà, Alison Mosshart, Returning the Screw. Alors forcément, on commence tout en douceur, tranquillement, Only Rock, cette nouvelle saison. On enchaîne avec un trio parisien, les NFL 3. Ils sortent un album le 21 août, il y a tout juste quelques jours. L'album s'intitule A, tout simplement. A, B, C, D, E, F, G, un petit espace, H-I, voilà. Donc, ils fêtent leurs 20 ans d'exploration au-delà du rock. Cet inclassable trio parisien, leur album vient de sortir. C'est l'exact enfant du siècle, né en l'an 2000. Le groupe NLF 3 compte parmi les groupes les plus constants et les plus stimulants de la scène musicale française. Auparavant réunis au sein du groupe de Prohibition, les frères Nicolas et Fabrice Leroux, tous les deux multi-instrumentistes, sont à l'origine du projet. Ils le mènent en totale synergie avec un batteur depuis 2006, l'excellent Jean-Michel Pires, un ex-Married Monk ou alors Bruit Noir. Voilà. Et je vous propose tout de suite de vous faire à l'écoute de NFL 3, du nouvel album, avec le titre A. L'album s'appelle A, B, C, D, E, F, G, H, I. Il est sorti il y a 4 jours, le 21 août. On écoute A, NFL 3 dans le New Rock. Eh bien, c'est maintenant. Hey. Allez, on écoute jusqu'au bout ce titre A du groupe parisien NFL3. Vous l'avez remarqué, il y a eu un petit cafouillis de ma part dans un premier temps et puis après une micro-coupure générale des ordis, de la console. Ça a duré 2-3 secondes, hop, c'est revenu, donc il y a une petite coupure. J'espère que voilà, le reste de l'émission va bien se passer. Si vous écoutez Web Passion, vous n'êtes pas sans savoir que Patrice avait eu des soucis techniques les jours passés. Donc voilà, bah, je vais peut-être en faire la meilleure expérience. Mais voilà, on ne maîtrise pas tout à la radio, la technique non plus. Donc voilà, donc, on va continuer notre parcours musical dans Only Rock tout de suite avec un nouvel artiste que je vous invite à découvrir juste après ça. Sur Radio et Passion. Voilà, là encore, Only Rock, la radio, la passion du rock sur le web, c'est avec Fabien et on va écouter un titre du groupe Oscar Nip. L'album qui vient de sortir, il fête dignement les 28 ans d'existence de ce groupe, donc Oscar Nip, c'est leur 7e album, c'est une forme de consécration artistique, hein. L'album s'appelle La Nuit des Arcs-en-Ciel, on y retrouve les éléments qui ont fait la singularité de ce groupe, hein. Des grosses guitares, une batterie cataclysmique, des bidouillages un peu sonores, des textes poétiques qui affirment vraiment une identité française, à la fois sensible et douloureuse, mais aussi on y trouve des incursions dans le domaine du hip-hop ou de l'électro, hein, à l'affaire de quelques expériences sonores aussi inédites que réjouissantes. Pour ça, je vous propose d'écouter Le Dernier des Rois, c'est Oscar Nip et c'est dans Only Rock. Trois petits tours et puis s'en va. Only Rock, la passion du rock sur le web, sur Radio Web Passion. On continue notre parcours musical dans Only Rock. Voilà, je vous le voyez bien, je galère un petit peu, il y a eu quelques soucis techniques. Mais bon, on est à bord d'Only Rock pour encore 1h10 et on continue notre voyage avec les Psychedelic Furs. Parce que c'est vraiment l'année 2020, c'est vraiment une année un peu complètement folle qu'on est en train de vivre tous ensemble. Et début janvier, quand il y a eu l'annonce du retour des Psychedelic Furs avec un nouvel album, ça a un peu surpris tout le monde. Car le merveilleux groupe des frères Butler, il continuait de se produire sur des concerts à travers le monde. Le dernier album solo remontait à World Outside et c'était en un autre siècle, en 1991. À la manière un peu d'Hibernatus, Richard et Tim Butler, les deux frangins, ont mis fin à ce hiatus comme si de rien n'était, avec le bien nommé single qu'on va écouter tout de suite, la Don't Believe. Entre cette voix reconnaissable entre mille et ces guitares un peu brumeuses, on retrouve instantanément la patte des Psychedelic Furs sur ce titre, l'une des formations les plus attachantes et influentes de la New Wave. Tout de suite, les Psychedelic Furs, Don't Believe, l'album qui est sorti, c'est Made of Rain. C'est parti. Here come the bodies on a wave of hate. One blink if you're ready, and two means wait. They've got the money, but we've got a heart. Nothing left. Je vais arrêter le carnage tout de suite. Voilà, il y a une petite erreur dans le fichier. Alors forcément, niveau technique, ça ne s'est pas vraiment arrangé. Voilà, mais je ne vais pas vous faire part de tous ces désagréments. Là, on écoutait simplement les Lanterns of the Car, donc on écoutera ça un peu plus tard. Tout de suite, je vous avais promis donc les Psychedelic Furs avec Don't Believe. Eh bien, je vous les propose tout de suite. Et puis vous m'en dites ce que vous en pensez, vous me dites ce que vous en pensez juste après. Allez. We'll be right back. Alors forcément, il n'est pas là aujourd'hui, l'invité d'Only Rock, mais il sera là dans le courant du mois de septembre. Je vous le présenterai la semaine prochaine. Il y aura forcément également des interviews qui seront prévues dans l'émission, mais ça, vous êtes un peu au courant, vous avez un peu l'habitude, hein, si vous me suivez depuis 4 ans maintenant. J'ai déjà eu les Romain Humeau du groupe Eiffel, j'ai déjà eu Pierre du groupe Merzine, j'ai eu Benoît et David de l'Ajari, entre autres, Mes souliers sont rouges également. Enfin bon, bah, j'avais eu pas mal d'interviews l'année dernière et j'espère bien renouveler ça cette année. Malgré le contexte sanitaire, hein, je vous le disais, il y a quand même des concerts qui sont prévus et pas moins... Rien que dimanche, hein, le dimanche 30 août à Donnery, il y aura les musiques estivales de Donnery, hein, ça sera de midi à 17h, on y trouvera trois groupes, hein, Michel Lenoir Trio, Yeti, le groupe orléanais qui jouera à 14h30 avec un nouveau batteur, et il y aura musique et équilibre qui sera également présent, donc du blues, du rock, des ateliers celtiques, il y a un barbecue qui sera à disposition avec une buvette sur place, bref, vraiment... Les concerts sont gratuits, donc ça se passe à Donnery, les musiques estivales de Donnery, avec notamment mes petits chouchous, le groupe Yeti qui jouera à 14h30 et j'en profite pour leur faire un petit béco de loin à ces trois-là. On enchaîne tout de suite avec les Pretenders qui sortent un album, qui sortiront un album le 1er mai prochain. Le successeur de Alone, sorti en 2016, est en chemin. La bande de Chrissy Hynde a annoncé l'arrivée de leur 11e album studio qui s'appellera Hate for Sale pour le 1er mai prochain. Un premier titre est sorti, c'est The Buzz, et on va l'écouter juste après ça, parce que Chrissy Hynde disait un peu de ça dans un communiqué officiel, je la cite, hein, « Je pense que nous savons tous que les histoires d'amour peuvent prendre les caractéristiques de l'addiction à la drogue, c'est à ce sujet-là, pas la mienne, bien sûr, je ne suis jamais obsédé, dit-elle, a-t-elle déclaré donc avec humour Chrissy Hynde dans un communiqué officiel pour vous faire part de leur nouveau titre, The Buzz, et tout de suite, c'est The Pretenders, The Buzz, eh bien, c'est tout de suite, juste après ça, hein, on va patienter encore quelques secondes pour que le titre soit calé, et c'est parti! shot of love makes you feel. And you know you can't forget. You know you gotta get. Only Rock, la passion du rock sur le web, avec Fabien, en direct sur Radio Web Passion. Et on continue notre parcours musical avec une petite nouvelle, un petit peu triste, hein, on l'a appris il y a quelques jours. Jack Sherman, l'ancien guitariste des Red Hot Chili Peppers, s'est éteint à l'âge de 64 ans. C'est le groupe qui l'a annoncé, hein, mené par forcément le grand Anthony Kiedis. Ça s'est passé vendredi dernier, le 21 août, sans préciser pour autant la cause du décès. Voilà ce que le groupe disait sur sa page Instagram. La famille Red Hot Chili Peppers souhaite à Jack Sherman un bon voyage vers l'au-delà, puisqu'il nous a quittés. Jack a joué sur notre premier album, ainsi que sur notre première tournée à travers les États-Unis. C'était un gars unique et nous le remercions pour tous les moments, les bons, les mauvais et les autres, a ajouté le groupe de Los Angeles, partageant également, si vous l'avez pu le voir, une photo souvenir avec Jack Sherman. On écoute un titre sorti sur l'album Stadium Arcadium en 2006. Le titre, c'est Danny California. Les Red Hot Chili Peppers, c'est maintenant dans le New York. Papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. Hunt them everywhere saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel. California, rest in peace. Simultaneous release. California, New York City. Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I'm left. Gone to bed. California, rest in peace. Simultaneous release. California, show your teeth. She's my priestess, I'm your priest. Yeah, yeah. California, rest in peace. Simultaneous Only Rock, la passion du rock sur le web, sur Radio Web Passion. Danny California, c'était les Red Hot Chili Peppers. Et je vous fais part d'une petite pensée humoristique là que je viens de voir. C'est deux messieurs qui se croisent au petit matin. Il y en a un qui dit « ceux qui se lèvent tôt ont de l'avenir ». Et l'autre qui est un petit peu plus éméché, on va dire « ouais, mais ceux qui se couchent tard ont des souvenirs ». Eh bien voilà, c'est la petite pensée du jour. Je vous en fais part d'une autre pensée. Mais avant, je vais pas vous dire l'auteur tout de suite, hein. Il vient de fêter ses 72 ans il y a quelques jours. Et voilà ce qu'il disait il y a quelques temps, hein. Que les vraies légendes sont les légendes mortes jeunes, de préférence. Prends James Dean par exemple, ça c'est une légende. Ce type n'a pas eu le temps de ralentir le rythme. Je préfère quant à moi devenir une vieille légende. Je suis avant tout un chanteur de rock'n'roll. Ça il le disait en 1990. Et c'est bien sûr monsieur, allez. Je vous laisse tout de suite avec le groupe et je vous le dis juste après. Si vous n'avez pas reconnu, bah je vous le dirai. Yeah. Ok, les jingles ne passent plus, ça va revenir d'ici quelques minutes. Donc bien sûr, le monsieur qui vient de chanter, qui déclarait vouloir être une vieille légende, n'est autre que monsieur Robert Plant, le chanteur de Led Zeppelin, bien évidemment. On en avait eu un petit extrait en cafouillis tout à l'heure, on va écouter maintenant les Lanterns on the Lake, l'album qui est sorti le 21 février dernier, s'appelle Spook the Herd, le titre qu'on va écouter c'est Balise. Alors le quintet anglais Lanterns on the Lake sort... donc le 21 février dernier, son quatrième album chez Bella Union, distribué en France par Pias. Si vous ne connaissez pas le groupe, il est grand temps de le découvrir après 13 ans d'existence déjà, et pas moins de 2 albums encensés par une critique unanime. Le retour à une certaine réalité est immédiat avec le titre le plus péchu qu'on va écouter, hein, Badies, où les notes cristallines de guitare accompagnent le chant plus intense et en colère de Hazel Wild. À propos de ce titre, elle raconte, Hazel Wild, que Badies est une chanson sur la montée de la haine et de la colère dans le monde ces dernières années, encouragée par les gens au pouvoir et les influenceurs dans leur propre intérêt. Puis elle ajoute, c'est à propos des besoins et des défis en tant qu'individu pour que l'opprimé tienne tête à la pression du pouvoir. Le fait qu'en devenant vous-même égoïste, on devient comme les autres, le baddie, c'est-à-dire le méchant de quelqu'un d'autre. On écoute donc tout de suite Baddies, les Lanterns on the Lake, c'est dans Only Rock. Don't look now. Here come the baddies. On a wave of hate. One blink if you're ready. And two means wait. They've got the money, but we've got a heart. Nothing left to lose. Let's say you're right. They'll get you in the end. I try, but you're down, vous écoutez Radio Web Passion. Et on vient d'écouter Lanterns on the Lake, Badies. On enchaîne avec monsieur Dario Mars, à savoir Renaud Mayer, qui a décidé de couper court hein, pour enregistrer son nouvel EP qui s'appelle Flèche. Enfin, uniquement en studio, puisqu'en live, il a toujours le soutien de ses anciens bourreaux, ses anciens musiciens. En fait, pour concocter cet opus, il a joué forcément l'homme orchestre, c'est lui qui a fait tous les instruments sur cet album. Et le résultat final tient parfaitement la route. Hein. Et on va tout de suite écouter Twilight Man d'Ario Mars dans Only Rock, c'est maintenant. Et ben voilà, ça se termine abruptement, mais ça se termine tout de suite forcément. Un peu surpris, mais on continue notre balade à travers le rock, la passion du rock sur le web. C'est toujours Only Rock sur Radio Web Passion. Il est 18h23, passé de 49 secondes, et on continue avec le groupe Les Sweeters. Alors Les Sweeters, c'est l'addition de 5 gars issus de divers groupes rock, garage, punk du côté d'Annecy. La guitare croise la batterie début 2016 et petit à petit, The Sweeters se forment sur fond de compo, puis de reprises, incluant l'orgue pour célébrer les ambiances et l'énergie live de notamment d'inspiration Gun Club, Murder City Devils, Monoman, Chuck Berry entre autres. The Sweeters, c'est un groupe typé high energy, garage rock, hein, on va dire, avec un orgue. Et on va dire que ça balance un peu quand même, si on dit ça un peu trivialement. Fortement influencé par l'explosion du punk dans les années 60, on va dire 77 précisément, il touche aussi aux riffs de groupes plus récents comme The Helicopters, The Eggman ou The Monomen, pour n'en citer qu'une poignée. Mais bon, je vais vous laisser vous faire votre idée avec Real Cool Time, The Sweeters dans Only Rock. We'll be right back. Only Rock, la passion du rock sur le web, avec Fabien, en direct sur Radio Web Passion. Et on continue le parcours musical. J'espère que tout se passe bien de votre côté, je vous le disais, avec les concerts qui vont se jouer à Donnery ce dimanche. Il y a un autre festival qui a lieu, ça se passera jeudi, vendredi et samedi au Parc Pasteur. C'est le fameux festival Un Autre Monde, organisé par l'asso Défi à Orléans. Ça se passe au Parc Pasteur, donc le 27, 28, 29 août. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pendant ces trois jours? On va forcément avoir des concerts. Hein. Jeudi 27, on va avoir Constanza, Glim, Leroy et Diane. Vendredi 28, on aura le groupe orléanais Qu'as-tu vu, The Loire Valley, Calypso, Trio Live et Lavatch. Et samedi 29, on aura les Mini Vengeurs, un groupe plutôt pour les enfants, ça, mais aussi pour les plus grands. Hein. Le groupe Bab Blues, Afro Melody et O Sisters, avec un DJ set de Missile et Seni Camara. Donc forcément, au Parc Pasteur, il y aura des concerts sur ces trois jours-là, mais pas que. Qu'est-ce qu'on pourra trouver d'autre? On aura forcément un fou de truck qui sera là. Il y aura un plateau de streaming avec des battles de danse le vendredi à 16h, le samedi à 17h. Il y aura également de la sensibilisation avec l'asso Porteur de Parole et Sensibilisation et le Théâtre Forum pour pouvoir s'exprimer. Il y aura également de la prévention autour des jeux. Le samedi, il y aura l'arbre aux 1100 heures. C'est de la lecture de l'album Jeunesse. Animation pédagogique, créativité, ça durera environ une heure. C'est pour un public de 12 à 16 enfants, de 4 à 6 ans, avec un adulte. Il y aura forcément le petit manège qui sera présent samedi et dimanche, de 14h à 19h. Le samedi à 18h, on aura le Dandy Illustré, dédicace de Stanislas Gros. Voilà, les contributeurs sont attendus, ceux qui ont contribué à cet album. Bref, Défi organise depuis quelques années maintenant ce festival Un Autre Monde au Parc Pasteur et c'est bien sûr un festival où il faut aller. Je vous y encourage tant qu'on peut y aller. Alors bien sûr, tout en gardant les gestes barrières et en étant masqué, en se lavant les mains avant et en sortant du festival. Bref, tout ça vous sera redit parce que Défi est une asso plutôt sérieuse. Voilà, ça se passe le 27, 28, 29 août au Parc Pasteur à Orléans. On continue sans transition aucune, comme dirait l'autre, avec le groupe toulousain Destination Lonely. Le quatrième album déclenché par ce trio toulousain, c'est un peu un uppercut, un gauche-droite qui vous met KO, un haltérophile bulgare. Voilà, Destination Lonely installe son album Nervous Breakdown dans un va-et-vient entre les Stooges et le Shell Cheaters Leaks, avec une ambiance un peu crampsienne pour un disque au courant continu. Dans la version vinyle, une belle pochette blanche et noire, Breakdown, est plutôt étonnant, avec une pochette avec un intérieur d'une surprenante sobriété. Et les deux vinyles sont d'une blancheur écarlate. Vraiment, c'est une vraie beauté. Un format plutôt exceptionnel hein, pour accueillir ces 17 titres de l'album Nervous Breakdown. Nous, on écoute Day by Day et c'est tout de suite dans Only Rock, les Toulousains de Destination Lonely, Day by Day. When I came in your life like a wreckage, Only Rock, la passion du rock sur le web, sur Radio Web Passion. Et on continue forcément, il nous reste 25 minutes à passer ensemble. Et ce matin, je suis allé voir le film au cinéma Les Carmes, White Riot, un film de rue. Bika Shah, qui retrace un peu l'épopée du groupe militant Rock Against Racism, qui avait organisé plein de manifestations à travers des concerts contre le racisme de l'extrême droite qui montait en Angleterre à la fin des années 70. Vraiment, c'est une belle leçon de militantisme, comme quoi la culture peut soulever les masses, puisque grâce à ce mouvement Rock Against Racism, qui mêlait forcément des groupes de rock de Londres et de l'Angleterre, mais aussi des groupes de reggae, hein, comme Steel Pulse, entre autres, qui étaient présents. Eh bien voilà, les jeunes gens londoniens, anglais, ont réussi à monter au créneau, à manifester dans les rues pour faire part de leurs opinions qui étaient différentes de l'extrême droite. Et puis forcément, ils ont gagné puisqu'en 79, le parti d'extrême droite anglais a échoué aux élections. Donc c'était une belle victoire. Donc voilà, sans trop vous dévoiler tout ça, je vous encourage à aller voir White Riot, le film de Ruby Kasha. Ça se passe au Carme. Alors, c'était la seule diffusion aujourd'hui au Carme, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis sinon, vous pouvez aller le voir dans d'autres cinémas indépendants. Il y en a dans la région centre, donc n'hésitez pas à aller aussi au cinéma. On continue sans transition avec le groupe Not Your Animal. Alors, ce n'est pas un groupe tout à fait comme les autres, hein. Il est indépendant, dérangeant et totalement irrévérencieux. Not Your Animal vient de sortir son premier EP, 5 titres, Not Rock'n'Roll. Maintenant, maniant un power rock savant, dès le titre Reason to Love, le ton est donné, hein. Il sera garage, le rock. Les guitares électriques se déchaînent et la voix de David, tel un vieux crooner, balance. Le titre Abracadabra distille une indé un peu pop magique, chaloupée et convaincante. Quant au titre Here We Are, il commence sur une intro de jeu vidéo totalement loufoque. Le phrasé de David rappelle les grandes heures de Monsieur David Bowie. Neighborhood, sublimement rock et délicieusement provocateur, envoie tout valdinguer. Et c'est forcément ce titre, pardon, que je voulais vous faire découvrir. Neighborhood, c'est Not Your Animal et c'est dans Only Rock. C'est pas... Thank you. Et bien voilà, ça termine sèchement, mais ça le mérite de terminer. Not Your Animal Neighborhood. On continue notre parcours à travers de Sonic Preacher. Sonic Preacher a d'abord montré être un vrai groupe de scène en multipliant les concerts, mais il était ensuite temps pour lui de graver une poignée de morceaux sur la cire noire d'un vinyle. Astucieusement doté de deux faces, le vinyle, cette délicieuse galette, contient 6 titres de garage rock punk et sensuel, produits par monsieur Jim Diamond, qui s'est déjà illustré dans le passé en enregistrant les Bell Rays ou les White Stripes, rien que ça. Donc, on écoute les Sonic Preacher. Le titre, c'est Little Colonel Sparrow et l'album, c'est Chapter One. Rock, la passion du rock sur le web avec Fabien en direct sur Radio Web Passion. Et voilà, tout doucement, 19h s'approche, il est 18h44 sur Radio Web Passion. On est toujours dans Only Rock et je suis ravi de vous retrouver pour cette saison 4 déjà, à bord de cette radio web installée à Sarcotte mais qui diffuse tout simplement et en toute modestie sur toute la planète, hein, bien évidemment. On enchaîne avec forcément du rock toujours et là je vous invite à découvrir monsieur J.P. Shiloh, c'est un Australien, je vais vous en parler, hein. C'est un chef d'orchestre multi-instrumentiste. J.P. Shiloh a participé à la réalisation de plusieurs albums, notamment les Three Feeds, Mick Harvey, mais après plusieurs albums et EP entièrement instrumentaux sous le nom de Hungry Ghost, on découvre l'Australien chanteur dans un registre aussi glamour que décalé sur son album Invisible You, aux côtés de LG, qui est photographe et cinéaste, de Steve Shelley à la batterie et de monsieur Mick Harvey au clavier. Je vous laisse découvrir Widow's Peak. L'album, c'est Invisible You et c'est monsieur J.P. Shiloh dans New York. We don't speak if we don't need to. So we don't speak anymore. future. So we don't get around much anymore. Vous écoutez Radio Web Passion. Et on est toujours ensemble pour les 10 dernières minutes. Alors forcément, pendant les 3 mois de confinement qu'on a vécu, plein d'artistes se sont mis à jouer devant leur téléphone portable ou devant leur tablette pour proposer des lives à leur public. C'était plutôt une très bonne chose hein, pour certains. Ils ont enfin trouvé le chemin direct pour toucher leurs fans. Voilà. Il y en a un qui est très très très actif sur les réseaux sociaux et avec sa guitare, c'est Monsieur Popachubi et j'ai toujours plaisir à découvrir ses nouvelles vidéos. Donc ça m'a donné envie de fouiller dans ma discothèque et de retrouver un live qu'il avait fait il y a quelques années où il jouait Jimi Hendrix. L'album s'intitulait simplement Popachubi Plays Jimi Hendrix. Et là, je voulais vous faire découvrir donc Come On, le titre de Jimi Hendrix joué par Popachubi. C'est quelques minutes de bonheur. People see me but they just don't know. In my heart, oh, I love you so. love you, baby, like a model of gold. Come on, sugar, let the good time roll. Come on, girl. Baby. Baby. Whoa, baby. Come on, girl. Talk to make better leave. Got a lot of dirt right up their sleeve. But love, baby, ain't the kind that folds. Come on, mama, let the good time roll. Gotta come on, baby. Oh, yeah, girl. Come on, baby. Baby. We'll be right back. changez pas de radio, le son débarque. Radio Web Passion. Et voilà le grand Popa Chubby qui jouait du grand Jimi Hendrix. Il nous reste 3 minutes et la programmation n'est pas terminée, mais je vais terminer avec le groupe Eiffel. On va jouer un morceau qui est sorti sur le dernier album Super Machine. Le titre qu'on va écouter, c'est « N'est rien à craindre ». Pourquoi on va écouter du Eiffel ? Parce que le chanteur Romain Humeau sort son nouvel album solo qui s'appellera « Echo » au pluriel le 18 septembre prochain. Vous pouvez le précommander sur son label qu'il a créé pour l'occasion. C'est seedsbombsmusic.com. Enfin, vous tapez Romain Humeau, Eiffel, album Echo sur Internet et vous allez trouver le moyen de précommander cet album. Moi, je l'ai fait. Dès que je l'écoute, j'espère bien interviewer Romain Humeau pour parler de son nouvel album solo qui s'appelle Echo. Donc, on se quitte avec le titre « N'est rien à craindre ». C'est le groupe Eiffel. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, mardi, 17h30, sur radiowebpassion.com ou sur les applications, sur les smartphones Android. C'est gratuit. Bonne fin de soirée et à mardi prochain. Ciao, ciao. Love en roi. Only Rock, la passion du rock sur le web, avec Fabien, en direct sur Radio Web Passion. Écoutez partout votre radio sur les applis Android, iPhone. Radio Web Passion. Radio Web Passion. Radio Web Passion.